Thank you. c'est bon. Ah, il est parti. Merde, j'ai pas dit au revoir. Je vais faire de la batterie, donc c'est pour ça qu'il se barre, qu'on joue pas ensemble. C'est un bordelais, c'est un connard. Lui, il s'appelle comment? Lequel? Worf. Worf est où ce matin? 60 bpm par seconde, c'est trop la merde. Et bien, on est mieux tout seul que mal accompagné, moi je te le dis.